était une bergère. Il était une bergère qui gardait ses moutons ronrons, qui gardait ses moutons. Elle fit un fromage. Elle fit un fromage du lait de ses moutons ronrons, du lait de ses moutons. Son petit chat la regarde. Son petit chat la regarde d'un petit air fripon ronron, d'un petit air fripon. Si tu y mets la pâte, si tu y mets la pâte, tu auras du bâton ronron, tu auras du bâton. Il n'y mit pas la pâte, il n'y mit pas la pâte, il y mit le menton ronron, il y mit le menton. La bergère en colère, la bergère en colère, bâtit son petit chaton ronron, bâtit son petit chaton. Elle vint à confesse, elle vint à confesse, pour demander pardon ronron, pour demander pardon. Mon père, je m'accuse, mon père, je m'accuse d'avoir tué mon chaton ronron. Ma fille pour pénitence, nous nous embrasserons, ronron, nous nous embrasserons. La pénitence est douce, la pénitence est douce, nous recommencerons, ronron, nous recommencerons.